Dans les gènes, gros cas dans le sang. Criez-moi en belix tout petit, en tombé yadan en fait. Bon son, son bon, bon potion. Oui, musique pour moi, c'est un passion. Si vous payez, moi, yeah. Grâce c'est la langue, oui, quand t'es prêt. On nous chanter, chanter, danser. Voyez, musique monter. Tu m'as expliqué les règles et il faut que je m'y tienne. Pas d'appel quand t'es à la maison, ce sont tes conditions. Le soir vient que les lumières s'éteignent. Moi je suis seule à la maison, j'ai mes émotions. Ça me sent pas normal, devrait nous nous pas t'aimer tous. Mais c'est le destin qui met ça, donc quand t'as supposé qu'il faut y en faire attention pour un des arbres, mais pas poser. Il s'agit de ta l'air, on j'a tombé l'homme. On j'a tombé l'homme, on j'a tombé l'homme. On j'a tombé l'homme, on j'a tombé l'homme. On j'a tombé l'homme, on j'a tombé l'homme. On j'a tombé l'homme, on j'a tombé l'homme. Chérie, ça pas t'es prévu, mais devrait vous en tomber l'homme. Mon rendez-vous s'y place, je vais nous finir encore à corps. Nous franchissons les limites, qu'elle nous pas des droits d'oser. Nous en tomber l'homme, va ou en pas qu'arriver d'or. Et même si on veut tout, c'est un qui est vers on veut causer. Bébé, on veut pas faire mal, peine en cœur, on veut pas causer. Longtemps ça passe, si contrôle en gros avion qui peut pas poser. Pas si moi ou laisse ça changer, ou si moi ou t'es café, pas mettre la son là en danger, ou ça s'en veut pas. Longtemps qu'on calage à paraffer, nous peut pas faire état. T'as chassé moi que nous ensemble, que yo peut pas faire de ça. Yo que dit que femme pas bon, que yo ni fils, que yo c'est diable. Nous cassé, bifot ta F, nous cassons veille comme d'hab. Ou t'es fait offrir moi la ligne, mais qui t'es yo pas capable. Au final, nous tombons l'homme. Et ça vient de contrôler. Et ça vient de contrôler. Tu veux, c'est ce que je veux. dans tout l'air. Propose-moi encore mieux. Je veux de toi, que tu sois à moi. Une vie à toi, ça ne m'intéresse pas. Bienvenue à tous sur le 96.2 Chantal avec vous jusqu'à 20h, votre émission Groove Tropical. Le meilleur de la musique qui nous vient de la Caraïbe pendant 2 heures, 2 heures de très bons sons avec bien sûr du zouk, du compas Guyane, mais aussi la musique traditionnelle, vous verrez tout à l'heure. Et puis alors, des morceaux vintage, parce que là on aime bien ça sur Arc-en-Ciel, avec du zouk rétro, puis vous verrez bien, il y a plein de surprises. Restez bien branchés sur le 96.2, on continue comme ça avec une nouveauté, la jeune fille caracole en tête avec ce titre, c'est ma mademoiselle Lucinas. Très très bonne soirée en ma compagnie, Chantal avec vous jusqu'à 20h. Le cruise là, mes chalets à monter. Le cruise là. place là. Soirée a fait commencer. Tout bon jeune job cherche une belle fille. Encore le système, yo, y'a pas plaisir avec comme yo. Soirée a fait commencer. Maison bébé pour ma danser. Faut ma bouche vibrer pour me checker. Y'a femme qui bien campé. Dis-moi, non, cousin, la danse. Non, cousin, y'a pas touché. Non, cousin, y'a pas plaisir. Yo, non, cousin, y'a pas plaisir. Non, cousin, y'a pas plaisir. Et puis voilà, si vous. À chaque jeudi entre 18h et 20h, il y a le meilleur de la musique qui nous vient de la Caraïbe. C'était Cruz là, avec ben justement le titre moins Cruz là, tout simplement. Excusez-moi, je suis un petit peu enrouée, mais bon, on continue comme ça là cette fois-ci. Oh, des bons mots doux, des mots d'amour. Avec le tout dernier album de Patrick André, 96.2, Grosse Tropicale. Je marcherai contre toi si tu me Je passerai mon temps à t'aimer. Tu me rends dingue, je suis choqué. Mais contre moi, ça va coller-coller. De toi, baby, je suis piqué. Je passerai mon temps à t'aimer. Viens contre moi, on va me débloquer. Avec toi, je suis toujours ok. De toi, je suis vraiment piqué. Comme ça la musique sur Arc-en-Ciel. Mírame a la cara y dime que yo no fui el hombre de tu vida, que a pesar de lo lamento, mi corazón no te olvida. Hoy sigo sintiendo que amores como el nuestro son casi imposibles de encontrar. Y así hoy vuelvo a caer en mis delirios sin querer, creyendo que el tiempo no me ganará esta vez. Yo ya te conocí sin conocerte. Me mandas señales, sé que quieres verme, pero esta vez no puede ser. bonsoir monsieur, je sais déjà qui tu es. Belle tibolon, mais ça porte aïe. Ça qui fait moins fond, c'est mon yé, vin check, moi jack à passe. Nanny eye contact. En jacques, ouais, que nous, collision sans constat. Mais je veux tout de temps, je mets les pieds dans le plat. Direct contre les avocats et moins, moins contre l'eau, la rivière. Il dit moins boli, bali, ça qu'a fait moins, ouais, misère. Meilleur moment pour bail, c'est sans session, bouillon SXM. Il dit moins boli, bali, ça qu'a fait moins, ouais. C'est la chanteuse, mais ce soir c'est son show. Pendant l'after, je vais muscler son dos. Go. Timide, j'ai plus les mots. Imposant, têtu comme taureau. Il veut pas céder. Il dit non, non, faut pas céder. Puis tant qu'à passer, puis ça a dangeré. Si ça continue, je vais le marier. Et quand on est faible, je fuis où? T'es pas fait crash, toi tout vendéier. Oh, mais tu fais crash, toi tout vendéier. Toi, le temps fait mon poum poum bat bébé. Il reste mon ben Zabouka et moins moins contre la rivière. Il dit moins boli, bali, ça qu'a fait moins, ouais, misère. Meilleur moment pour bail, fait sans session, bouillon SXM. Il dit moins boli, bali, ça qu'a fait moins, ouais, misère. Reste qu'on comme sa boca, moins, moins qu'on l'eau la rivière. Il dit moins boli, bali, ça qu'a fait moins, ouais, misère. Meilleur moment pour bail, fait sans session, bouillon SXM. Il dit moins boli, bali, bay comme avec tout l'homme, même pas perdre du temps. Ça fait trois mois ou filé, pas même quand goto rete, ou juste mon célibataire, et puis ou vim quoi. Make up your mind, moi pas on est sans pas travail, moi juste besoin d'assurance, de passance. Oh, musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. someone. Ne m'enlèvera ce qu'on m'a déjà pris il y a longtemps. Hey. Tropical, 18h-20h, Chantal avec vous sur le 96.2. Thank you. Arc-en-ciel, c'est du soleil. Soleil. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Plein les oreilles. C'est chaque jeudi entre 18h et 20h, le meilleur de la musique qui nous vient de la Caraïbe. C'était le groupe New Look qui sera en concert ce week-end pour fêter les 25 ans, les 25 ans de chansons de Monsieur Arlu Larivière. 96.2, la bonne fréquence pour écouter de la très très bonne musique. Un petit peu de soleil, un petit peu de douceur, beaucoup d'amour. Spéciale dédicace à Yasmine et à Kylian avec plein de bisous de ma part. Je ne trouve pas les mots pour te dire tout ce que j'aimerais faire dans l'avenir. Forcément, tu seras l'héroïne de mes rêves. Carrément, il faut que tu coules dans mes veines. Il aurait vraiment pas fait t'inventer si tu m'aimais. Si c'était pas que ce rêve de ne plaît. chanson pour moi. Ce soir il faut qu'on danse, que tes mains sur mes hanches, que tes mains m'accompagnent, nous fusionnons en 14. Soyez à Sakirai, tout le monde a du un like. Papa, tu aimes ma folle, mon temps, mon ticket attend. Son bébé follow me now. Pose tes mains sur mes abdominaux. Back it up, yes, baby, nice and slow. Look at wine, come on, baby, let's go. Baby, fais-moi décoller, décoller. We'll be right back. C'est jeudi Groove Tropical, 18h-20h, le meilleur de la musique qui nous vient de la Caraïbe avec un petit retour en arrière. Oh là là, le titre est pas vieux, hein, pas tant que ça. 12 ans, il a pas pris une ride, hein, c'est Pédaler Compas avec T-Vice. En tout cas, moi je trouve que ça fait un réel bon. Oh là là, mon Dieu, ce compas direct. Je vais pas critiquer le compas Guyane, mais quand même, je trouve qu'on en a un petit peu. Ouais, pourquoi? J'aime bien le compas béton comme ça. Bon, sur le 96.2, on continue tout de suite avec Johan. Et puis après, je vous ferai découvrir... je vous fais découvrir tout de suite. C'est Martinique Bouti. C'est une nouveauté et c'est ça, elle. Si ça ne tenait qu'à moi, je restais copie. Mais la vie fait qu'on s'éloigne parfois de notre Martinique. Oh, toi, ma Madenina, la fleur des Antilles, ton parfum m'envoûte à chaque fois. Oh, Anakaela. C'est moi qui la cause. Hola, hola. Moi qui ai du mal à accepter que c'est ex-moi ou yeah. Quelques semaines avant, c'était la vie en rose. Moi fais ou mal et ou pas de mérité. Chaque jour, on crie ticket ou en danger. Et tout ça pour yon limena, limena, limena. Senti mwen hay, m konnen pa fime. Mwen senti mwen sous, m pa mwen klire. Kounya mwen jwenn a karma. Mèm lè ou pa pripon, m espere ou ap tande. Chaque jour, il fait sentir qu'elle est belle. Près du toit, on y croit quand même. ce Zouk Retro sur le 96.2 avec la jolie Milka. C'était qu'est-ce que c'était plutôt par amour tout rien. Allez tiens, je suis sûre que ça vous vous en rappelez, soirée face à face avec bien sûr Jim Rama et Patrick Aubry. Puis tout de suite après on aura un autre succès des années 90, Swap de toi avec Rodrigue Marcel. Rempli de souvenirs. Groupe Tropical jusqu'à 20h, c'est Chantal qui les accompagne. Fais à danser, baby, baby. Hey, t'imagines que nous t'es chanté, nous tous les deux là pour attirer. Amuser, elles ont paré pour nous prendre en pied. Baby, baby. Tout le monde chantait, tout le monde criait. Wow, wow, wow, wow, wow. Tout le monde chantait, tout le monde criait. Fais à danser, vous dansez, baby, baby. Hey, sorti de travail pour décompresser, vous dansez, à la soirée pour nous amuser, amuser, elles ont paré pour décompresser, vous dansez, baby, baby. À tout le monde chanter, à tout le monde crier. souci en encore rester longtemps des enfants. Oh, Quelque soit, on était plus qu'amis. Elle m'appelait quand ça chauffait avec son petit ami. Histoire de décompresser sur le tatami. Les toilettes c'était de une dans une première. Y'a de deux pas de jalousie. De trois garçons pas jusqu'à la fin. évidemment j'accepte. Moi je risque rien sans mec. C'est pas mon souci, t'inquiète. Risque pas d'y me faire. Célibataire endurci, il faut que l'on me juge. Si vous saviez ce qu'elle me disait, bon là c'est pas le sujet. Quand je lui disais le génie, on m'apportait des deux couches. Comme toute femme qui se ligue, moi c'est seul sans néglige. Et t'as beau fixer les règles, au final c'est compliqué, ouais. On était d'accord, au final elle est piquée, ouais. Elle est prête à tout pour me faire abdiquer, ouais. J'ai voulu être clair, mademoiselle a paniqué. Dans tous les cas ça finit mal. Dans tous les cas ça finit mal, mal, mal. Dans tous les cas ça finit mal. Dans tous les cas ça finit mal, mal, mal. J'ai rencontré une meuf et toujours sur Paris. Elle avait l'air si elle ne parlait d'avenir. Du coup j'ai pris le temps d'écouter ce qu'elle avait à me dire. J'aimais sa façon d'être et j'aimais son charisme. Plus j'en passe et plus je kiffe. Être dans sa présence et qui n'aurait pas lié. J'esquive les appels et le commence. Et j'ai toujours fait pousser. Ça s'appelle un absence pour toi. Je l'avais privé, j'ai quelqu'un qui me fait confiance. Elle veut pas lâcher l'affaire. Elle me dit qu'elle veut me revoir. Elle a repris ses affaires. Elle a même quitté son cravate. Donc j'ai quelque chose à faire. Je veux plus croiser ton regard. Elle me dit que c'est la dernière. Je dirais au revoir. Il n'a pas fixé les règles. Au final c'est compliqué, ouais. On était d'accord. Au final elle est piquée, ouais. Elle est prête à tout, tout pour me faire abdiquer, ouais. J'ai voulu être clair. Mademoiselle a paniqué. Dans tous les cas ça finit mal. Dans tous les cas ça finit mal, mal, mal. Dans tous les cas ça finit mal. Dans tous les cas ça finit mal, mal, mal. Oh, j'ai vu ici aller. J'allais faire n'importe quoi. Nous la posons en voie de chantage. Yo ti yo fè, yo fè, mè yo pa gade fèt sa fè. Publik la, nou pati an kwa pou lòt championa. Pa gen dout, tenan du tit la, e le kreyon la. Koupa! Une grande plage compas jusqu'à 20h, ou encore 10 petites minutes à se régaler comme ça. Tiens, un petit souvenir, je sais pas quand ça date ce truc-là, mais alors je peux vous dire que ça fait toujours autant plaisir. Haïti Troubadour, à ma rose. Pas complet. t'es passé des années, nous pas jamais bouqué. Pas mieux raison qui fait, et là si on pas marché. Doudou chéri, t'es fait tout ça en vie. Pour qui ou qui t'es mal, ma mère est au retourné. Pour parti qui t'es mal, pour bel moment nous t'es passé. Pour nous obliger à séparer, c'est ça lié. Tout parti qui t'aime, c'est avec tout qui m'a vlayé. Sans la vie, m'a pas compté, ton insoupé. Chose qui faisait battre mon cœur. J'ai supporté tes délires sans dire un mot car j'avais si peur de te faire du mal, même si j'avais mal. J'ai longtemps pleuré ton départ. Maintenant que tu n'es plus là, j'ai compris. Fallait te quitter, fallait te quitter, fallait te laisser pour me retrouver. Fallait te quitter et tout avoir. Tina Lee et puis le groupe Vibe avec ce titre Fallait se quitter. Ben nous aussi, parce qu'il est presque 20h sur la FM tout en couleur, mais ne vous inquiétez pas, je serai de retour jeudi prochain, toujours à la même heure, même endroit, même soleil, 18h, 20h sur le 96.2. Merci de votre fidélité, je vous souhaite au 96.2 bien sûr, je vous souhaite à tous un très très bon week-end, un très très bon début de semaine aussi, et je vous dis à la semaine prochaine, bye bye. Attire en accro, pas de doute, j'ai le feu, c'est sûr. Je te promets de te donner l'amour que tu attendais, je viendrai l'homme dont tu rêvais. Je serai ce père, ce mari que tu attendais, ne doute pas, je passerai tes peurs. C'est la gimmick de mes mélodies, la voix atomique qui fait fantasme, avec des mimiques qui me donnent envie, je suis con, je suis con. Pas de limite, ce n'est pas qu'une amie, la vie authentique qui fait voyager en plus. Plus de panique, c'est elle qui sera toute ma vie, j'irai jusqu'au bout, vivre nos rêves, les plus fous, les plus fous. quand je pense. La connaître, elle me surprend et d'un coup me démontre que je suis moi. D'imaginer cette femme si douce et si âme, sans lui en voûter. Formação do Rangers, que vai contar com forte apoio nas bancadas do Estádio da Luz. Vai jogar com Butland na baliza, depois Tavernier, depois à direita, Yılmaz à esquerda, no eixo Soltar e John Goldson, um meio-campo preenchido por Diomande e também por Lundström. Mais adiantado, o internacional português Fábio Silva, de um lado, Sterling, do outro, Lavrance, no apoio ao avançado nigeriano Dersers. É este o 11 inicial de Philippe Clement, o treinador da equipa do Rangers, que joga no Estádio da Luz nesta noite muito fria.